D'où vient l'eau? Où va-t-elle? Que faisons-nous ici? Tu es là, à la confluence avec le Lançon, début de la plaine, là où l'eau devient plus calme en apparence. Indomptable, on nous dit en réalité, impétueuse. Là où, cheminant d'une rive à l'autre, on aperçoit des biefs, des barrages, obstacles qui dévient le cours des choses, obstacles à la progression des poissons. Le Lignon. Nous sommes allés voir les tourbières, remonter à la source, l'origine. Imagine. Sous tes pieds, un paysage de mousse trempée d'eau de 6 à 7 mètres de profondeur. Une tourbière, 9000 ans d'histoire végétale du territoire. De l'eau fossilisée, coincée dans les sphaignes entassées. La dimension millénaire peut te donner le vertige pendant que les nuages frôlent ta tête. À une vitesse vertigineuse, elle aussi. Les éléments te rappellent que tu es bien vivante, vivant dans cet instant. Ici, tout semble démarrer à l'époque de la dernière fonte des glaces. Des montagnes jusqu'à toi. Cette eau qui emporte avec elle la mesure du temps depuis les vieux glaciers. Et toi, là, tu traces, telle une goutte de cette eau qui passe, source, onde, rivage, rivière, fleuve, détour, méandre, eau vive, tranquille, reflet, lumière à travers les arbres, eau impétueuse, eau fossile jusqu'au fleuve, jusqu'à l'océan. Maintenant, lève-toi et retourne vers l'esplanade de foot pour un autre point de vue. Va tranquillement vers le terrain de foot. Si tu veux, essaye de marcher avec le rythme de ta respiration. Tu inspires en étant immobile, tu expires en marchant. Si ça ne te convient pas, déplace-toi en arrêtant ta marche de temps en temps. Dans les deux cas, profite bien pour regarder tout autour de toi. Tu es sur le terrain de foot. Choisis un endroit et dirige-toi vers ce point-là. Regarde tout autour de toi, vers l'horizon et dans les quatre points cardinaux. Dirige un bras vers l'ouest. Depuis ta position, avec ton bras, tourne-toi pour suivre les autres points cardinaux. Pointe avec ton doigt la ligne de l'horizon ou un élément qui se détache sur le ciel. Puis, dessine les contours du paysage. Fais-le calmement, on n'est pas pressé. Regarde maintenant le ciel. Avec ton doigt et en te déplaçant, continue à dessiner ce que tu veux ou ce que tu vois. Des lignes, des nuages, des traces d'avions. Déplace-toi dans l'espace. Regarde le sol. Va d'une fleur à une autre. Arrête-toi à un endroit. Tu peux t'accroupir, t'asseoir, t'étendre sur le sol. Délimite un espace devant toi, plus ou moins 1 mètre carré sur le sol. Et observe bien tous les éléments vivants et non vivants que tu vois. Pense aussi aux êtres que tu n'arrives pas à voir, à la vie microscopique. Après cette expérience, peut-être que tu as envie de marcher plus rapidement, de courir, de sauter. Vas-y, fais-le si tu veux. Maintenant, prends ton temps pour choisir un arbre. Observe-le bien. Essaye de penser au mouvement de cet arbre, ses rythmes différents, le mouvement des feuilles, le mouvement de la sève, des branches. Et si tu as envie, tu peux bouger comme lui. Après avoir fait tout ça, te voilà au présent, ici et maintenant. Que tu as délimité l'horizon, que tu as repéré des espaces autour de toi, tout va bien. On continue. Comme le dit Gilles Clément, il n'y a pas d'accident au jardin. Seules les constructions de l'homme ont des accidents. La nature, elle, a des cataclysmes et puis elle cicatrise. Rejoins le groupe tranquillement, là où se trouve Esperanza. On va changer de lieu.